Normalement, à cette heure-ci, c'est mon commentaire de disque. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centre Art, www.centreart.qc.ca ou encore Québec Pop via le www.québecpop.com. Mais cette semaine, dans le cadre de cette émission spéciale des nouveaux visages, je vous propose trois albums qui m'ont charmé au cours de l'année qui vient de passer. Premièrement, on va y aller avec... on va faire ça le contraire, hein, parce que là, on s'en va d'est en ouest, normalement, dans l'émission. Mais pour les commentaires de disques ou les disques à surveiller, on va partir de l'ouest, on va aller à l'est. Donc, allons-y avec Loïc Morin. Loïc Morin, c'est... j'ai découvert ça sur l'Internet, bien sûr. Mais la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce titre, La Rivière. Et cet album-là de Loïc Morin de Vancouver nous amène dans un univers assez intéressant. Un univers planant de musique pop, électropop, là, un peu à la française, à l'européenne. C'est très intéressant, c'est profond, c'est planant. Et la voix de Loïc Morin me fait beaucoup penser à Marc Lavoine ou encore à d'autres artistes de ce genre, avec un thème de voix assez profond, assez sombre, mais fort intéressant. Tout au long de l'album, on a droit à d'excellentes pièces, entre autres « Derrière la tempête », il y a aussi « Paradis ». Donc, c'est vraiment bien fait. C'est de Vancouver, Loïc Morin. Allez voir ça sur l'Internet, loïcmorin.com, si je ne me trompe pas. Allez découvrir cet univers particulier. Je vous envoie une chanson de cet album-là. C'est la pièce titre « La rivière ». Voici Loïc Morin. Blessed. Deuxième album que je vous propose cette semaine, c'est tout simplement Chanson de laine, petit album d'une auteure-compositrice-interprète de la région de Montréal, Marjolaine Moras. Retenez ce nom, Marjolaine Moras. Très belle voix, c'est encore là très feutré dans la voix, très doux. Et il y a de très, très bonnes chansons là-dessus, entre autres « Perdre le Nord ». C'est vraiment là, très bien écrit, c'est acoustique comme album, et on se laisse bercer par les mélodies. Elle est à l'école de la chanson de Granby en ce moment. Sûrement qu'on aura droit bientôt, peut-être d'ici un an, à un album complet. Mais pour vous donner un avant-goût, je vous invite à découvrir cet univers-là. Donc, Marjolaine Moras sur Facebook, et vous allez découvrir une artiste vraiment intéressante. On l'écoute. Voici la pièce de son EP, Chanson de laine, Marjolaine Moras. S'éviter chez moi, mais j'ai pas ma veste de laine. Je l'ai sûrement laissée quelque part sur le divan, la nuit où t'as oublié de me dire je t'aime. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, ramasser les petits bouts de moi, éparpiller un peu partout dans ma chambre, comme mes pensées qui tournoient. Deux heures du mat, j'arrive pas à fermer l'œil. Mon cœur grelotte, écrit ton nom. Pour passer le temps, j'essaie de compter les moutons, mais je finis par m'endormir sur le fauteuil. Y'a pas un chat qui passe à ma fenêtre. Les oiseaux ont plié bagage. La photo du salon m'emporte dans les nuages. Mais sans toi, y'a pas d'arc-en-ciel. La poussière s'amasse sur mon lit. Je prends ton chandail, je dors avec la cuillère en fredonnant des lépis. Mon appartement s'ennuie de ta lumière. La poussière s'amasse sur mon lit. Mon poisson rouge sort plus de sa tanière depuis que ton soleil. L'hiver a décidé de s'inviter chez moi, mais j'ai pas ma veste de laine. Juste vous rappeler comme ça que la semaine prochaine, c'est le top 10 2018 de mes albums que j'ai reçus pour mes commentaires de disques que vous pouvez lire sur les sites de Centraire et Québec Pop. Et soyez à l'écoute, vous allez voir une belle année cette année avec de belles trouvailles et de beaux univers musicaux. Donc, assez intéressant, merci. J'ai un dernier album que j'aimerais vous proposer cette semaine. C'est l'album éponyme de M. Raphaël Buckler. Bon, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, Raphaël Buckler, il a déjà sorti de quoi? » Oui, vous avez raison, il avait sorti un petit EP, « Je file comme une machine », qui était intéressant. Mais là, son album éponyme, fort intéressant, avec de très bonnes pièces, « Road Trip »,« Coin caché », et celle que je vais vous faire entendre, c'est « Dans mes bras ».

On a débuté le bloc Québec-Ontario, le bloc de l'Est, avec une chanson qui a beaucoup tourné sur les ondes des radios en Ontario, mais aussi au Québec, si je ne me trompe pas, et un peu en Acadie. Quelle belle voix, premièrement. Et c'est tiré d'un album éponyme, René Ray, sur lequel on trouve de très bonnes pièces, dont Le Monde est con, très très belle chanson. Espèce de folk, Americana blues, très acoustique, très organique. Ça s'est produit chez Martin Deschamps. Et c'est vraiment là, très, très bien fait. L'album au complet est comme ça. L'album au complet, c'est des petits bijoux fort intéressants. Donc, Renée Ray à surveiller. Elle est finalement arrivée, cette jeune artiste, à bon port. Et elle nous propose vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, à surveiller dans les prochaines années. On va poursuivre avec Marie-Claude, que j'avais découvert grâce à Barbare, le concours Barbare là, de TFO. Et elle avait sorti un petit EP avec le groupe TFO, avec de très bonnes chansons, dont Sablier. Et si vous avez vu une publicité de Aéro où ce que Marie-Claude est là à fredonner un air comme ça, ben c'est l'air de la chanson Le Sablier. Donc très intéressant aussi. Je sais que Marie-Claude a commencé à écrire pour le prochain album. C'est à suivre. On va l'entendre justement avec Le Sablier. Par la suite, on va entendre Céleste Lévy qui, bon, encore une fois, vous allez me dire, ben Céleste Lévy, ça fait longtemps qu'elle est là. Pas tout à fait. Ça fait, oui, 2-3 ans, elle a participé à La Voix, nous a proposé un album pop assez intéressant. Mais là, pour le deuxième album, elle tasse tout ça et elle fait de la recherche. Elle va à l'intérieur d'elle, elle compose de très bonnes musiques. Elle nous amène ailleurs dans un univers particulier, très réussi. Donne-moi le temps, très bon album, on va entendre « Je serai là ». Et on va terminer la première heure avec Geneviève Herbé et Alain Barbeau, qui, eux, préparent un nouvel album, je pense, pour le mois de février. On va écouter avec « On ne se connaît pas ». Tu m'enlaces dans ta chemise, que ça déplaise, qu'on nous méprise. Tes mains couvrent mon corps, peu importe où on est. Le sablier s'écoule si on reste ici. Notre univers s'écroulera. Secoue-moi dans un tourbillon de toi, dans le Sahara. Si on s'ennuie au loin,

voir leur bonheur à travers la fenêtre de ton cœur. Passera. Et la vie passera. Un peu trop vite, mais jamais trop belle.